Écoute, on est à quelques heures du vote à Lévis. On a fait le tour de pas mal tous les candidats. Les gens du gouvernement sont venus nous voir en début de campagne. Janet Jones a été la première invitée ici. Après ça, on a eu François Paradis, on a eu Yves Bonnier, le représentant de Québec solidaire. Et on a fait le tour pas mal. C'est lundi le vote. Le gars du Parti québécois est venu. Oui, c'est vrai. J'oublie encore son nom. Ce qui est très normal. Je suis là-dedans tous les jours, je me souviens plus de son nom parce qu'évidemment, ils seront pas dans la lutte. Là. À nouveau, le Parti conservateur du Québec tente une percée et c'est Adrien Pouliot qui se présente dans Lévis. Monsieur Pouliot, bonjour. Bon matin, vous avez gardé le meilleur pour la fin? Monsieur Pouliot, je vais être plate. Puis je vais être l'avocat du diable en même temps. C'est bon, c'est correct, ça. J'ai les scores de la dernière fois que vous vous êtes présenté. C'est dans mon ancien comté de Montmorency. Oui. C'est Raymond Bernier qui a gagné du Parti libéral. Vous avez eu 2,40% du vote. Ouais. Dans une région où on est réputé pour être à droite ou pour être conservateur. Avec un score comme celui-là, c'est deux fois moins que Québec solidaire. Pourquoi on se représente? Pourquoi on s'accroche? Ben d'abord, ça dépend si tu regardes si le verre est plein ou si le verre est vide. Il faut comprendre que nous, on est là depuis à peu près un an et demi et que le score... Moi, je suis là depuis à peu près un an et demi. Et le score qu'on a fait en 2014, c'était à peu près 144% de mieux que ce qu'on a fait en 2012. Non, mais tu sais, c'est vrai, il faut le regarder comme ça. Regarde les verts puis Option Nationale, ils ont baissé 50%. Ouais. Alors donc, tu sais, il faut le regarder un peu comme ça. On progresse. Et la raison pour laquelle je me présente, c'est que je suis encore convaincu qu'on a besoin dans l'Assemblée nationale d'avoir une ce que moi j'appelle une vraie voie de droite économique. Ce qui n'est pas la CAQ. Pour vous. Ce qui n'est pas la CAQ. La CAQ, M. Legault se dit d'être de la gauche efficace. Il s'est même plaint que Jean-François Lisée lui avait volé cette expression-là. Alors, François Legault, quand il veut être à droite, ben il sort Gérard Deltel du placard. Puis quand c'est fini, quand l'élection est finie, ben, il le remet dans le placard. Et moi, j'ai travaillé avec Gérard à la DQ. Puis quand il est arrivé la fusion avec François Legault, j'étais pas d'accord parce que François Legault veut pas plus de privé en santé. François Legault veut un État fort. François Legault veut pas réformer les programmes sociaux. François Legault pense que c'est une maudite bonne idée de prendre 100 millions de l'argent des contribuables et d'aller investir ça en Anticosti. Tu sais, wow, là, je pensais qu'il voulait une charte des contribuables, mais 100 millions de l'argent des contribuables dans Anticosti, wow. Non, il croit à l'intervention de l'État dans l'économie. Ben, c'est ça. Mais en même temps, dans les alternatives principales, c'est quand même le parti qui parle le plus d'économie et de ménage. Puis j'ai l'impression des fois que le pire ennemi du Parti québécois, c'est Québec solidaire, parce qu'il leur enlève des votes. Est-ce que l'objectif du Parti conservateur du Québec, c'est de devenir le pire ennemi de la CAQ? C'est-tu mission accomplie si on réussit à faire ça? Ben, dans un sens, j'ai déjà dit que je voulais être le Amir Kadir de la droite. Dans le sens où... Je comprends très bien ce que vous dites. C'est Amir Kadir, il tire le PQ vers la gauche. Le NPD à Ottawa, il essaye de tirer Harper vers la gauche. Et ça prend quelqu'un à l'Assemblée nationale pour tirer ce monde-là à droite, que ce soit les libéraux, que ce soit la CAQ, pour dire... Mettre de la pression. Pour mettre de la pression, pour utiliser la presse parlementaire pour faire valoir les vraies idées de droite économique au Québec. On n'a pas ce discours-là. C'est ça qui me décourage un peu. Tu sais, y a un paquet de monde qui pense comme vous autres. Les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui là, ils pensent comme ça. Les gens de Québec pensent comme ça, mais on n'entend pas ces discours à l'Assemblée nationale. Pourquoi t'as pas fait comme Martin Coiteux puis tu t'es pas présenté avec les libéraux? Pourquoi t'as pas essayé justement d'influencer de l'intérieur ce gouvernement-là, soit à la dernière élection ou soit peut-être même cette fois-ci dans Lévis, là? Ouais, ben moi j'aurais voulu me présenter à la chefferie du Parti libéral, mais c'est impossible. Toi, c'est à la chefferie ou rien, là. Ben, tu sais, quand tu veux te présenter de l'extérieur, c'est vraiment très difficile. Mais de l'intérieur, moi je pense que j'espère que Martin Coiteux va réussir. C'est quelqu'un que je connais bien, c'est un ami. Puis tu sais, à tous les matins, je me dis j'espère qu'il va réussir. Il va-tu réussir, tu penses? Ça a l'air compliqué, là. Il peut pas faire grand-chose au Québec, hein? Ben, c'est les offres, le syndicat qui veut 4% par année pendant 3 ans. On a l'impression qu'il y a tellement de murs qui sont impossibles à défaire, même quand les gens sont pleins de bonnes intentions, que pour nous autres, sérieusement, pour les électeurs, c'est décourageant, tabarnouche de voir ça. Moi, je veux dire pourquoi je pense, puis ça me désole de dire ça, mais je pense pas qu'il va réussir. La raison suivante, c'est que le Parti libéral n'a pas une boussole idéologique de droite économique. Le Parti libéral, c'est un parti de pouvoir. Ouais. Puis ils regardent où ce que le vent va, là. OK, là, c'est bon, là, de ce temps-ci, c'est bon, l'austérité, on va faire ça. Mais Mais on avance mou au Québec. Je veux dire, quand on avance mou. Si même un parti mou peut pas nous faire avancer, je casse le parti à matin, je suis vraiment désolé, là. Mais moi, j'ai l'impression que si les libéraux sont pas capables de faire un peu de ménage, bon Dieu, personne va être capable. Ouais, mais ça dépend du leadership politique qu'on a, ça dépend des convictions, des principes qu'on a. Quand Margaret Thatcher, quand elle est arrivée au pouvoir, là, c'était bien pire qu'au Québec. Là. Oui, il y en a qui en veulent encore en Angleterre. Non, mais c'était un bordel incroyable. Ben, les entrepreneurs de pompes funèbres étaient en grève, les cercueils traînaient dans la rue, les ambulanciers étaient en grève, puis elle a fait la job. Ronald Reagan, il a fait la job. Mike Harris a fait la job. Ralph Klein a fait la job. Ça prend des gens qui ont de l'épine dorsale, qui ont pas peur de les libéraux n'ont pas assez. S'il y a 100 000 personnes à la grande allée, ça te fait pas peur. Mike Harris a dit, checkez bien ça, là, le gazon en face de l'Assemblée nationale en Ontario va mourir. Parce qu'il va y avoir tellement trop de manifestations, trop de manifs, et ça ne me dérange pas. Mais pourquoi on flanche devant ça au Québec? C'est juste des manifs, hein, dans le fond. Là, je Mais c'est la paix sociale. Pourquoi? Ça, c'est Bourassa. Ouais. C'est Robert Bourassa, la paix sociale. Mmh. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, la paix sociale? Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de manif, ça veut dire... Voilà. On Alors pas. Que, je veux dire, des manifs, oui, ça peut être dérangeant, surtout à Montréal, mais moi, vois-tu, cette semaine, là, les éducatrices en garderie, ils veulent le droit de manifester, mais en bout de ligne, ça devrait pas nous empêcher de prendre les décisions, là, tu sais. Ben, s'il y a 100 000 personnes qui manifestent dans la rue, il y a 3 900 000 personnes qui manifestent pas chez eux. Parce qu'ils ont pas le temps. Parce qu'ils ont pas le temps, c'est métro, dodo, boulot, puis ils travaillent, puis ils en ont assez, C'est ça, moi, ce que je sens, c'est une espèce de colère, je dirais, ou de frustration profonde des gens qui écoutent, tu sais, vos auditeurs, quand ils viennent, tu sais, quand ils vous parlent, c'est ça qu'ils disent, tu sais, on est frustrés de voir ces petits groupes de pression-là. On a assez d'avoir des, tu sais, les éoliennes qui, c'est des bonbons aux gens de la Gaspésie. Il y a des bonbons partout. Mais et eux, ils disent, on travaille comme des malades, on est des esclaves fiscaux au Québec jusqu'au 15 juin. Mais ils ont raison, mais en même temps, je vois de plus en plus, puis c'est ça qui m'attriste, c'est que je vois de moins en moins de colère, de plus en plus de résignation, de gens qui disent, regarde, ça pourra pas changer, ça nous donne rien d'être fâchés, on perd du temps, on perd de l'énergie, on se résigne, regarde, la politique c'est ça, il y a rien à faire, c'est la machine poche, est trop grosse, mais sans que c'est poche, c'est le cœur de nos débats à toi puis à moi quand on s'ostile, le sentez-vous un peu cette espèce d'abattement là, plus, je dirais. L'ADQ a amené une vague de dire « Oui, on va brasser les affaires. Oui, on va changer. » Ça a pas marché. Puis on dirait qu'après ça, il y a eu un abattement. Ça a fait mal, ça. Je pense ça que oui. Mal. Je sais pas comment vous le voyez. Avec toi. D'abord, il y a eu 1,4 million de personnes qui ont voté pour l'ADQ en 2007. Oui. Puis il n'y a rien de changé depuis. Là. Ces gens-là qui ont voté pour l'ADQ, là, s'ils entendaient ce que j'avais à dire, ils diraient « Ça, c'est bon. » Et ce qui manque au Québec, c'est des idées. On tourne toujours, on rebranche toujours les mêmes vieilles idées depuis 40 ans. Les idées libéralo péquistes, syndicalistes. Il n'y a personne qui regarde ce qui se passe en Suède. Il n'y a personne qui va voir ce qui se passe en Allemagne, en Suisse. Il y a toutes sortes d'expériences là-bas qui se font, des nouvelles politiques publiques où on dit oui, l'État peut financer les services publics, mais c'est pas obligé d'être l'État qui fournit les services. Il y a toutes sortes de nouvelles approches, les bons d'éducation universelle qu'on propose. C'est quoi ça? Ben ça, c'est au lieu de financer les commissions scolaires, tu finances les parents. Ouais. Tu donnes l'argent aux parents, puis tu dis, vous autres, allez magasiner votre école. Plus besoin de commission scolaire. C'est niaiseux, c'est simple à comprendre. L'État continue à financer, mais c'est les parents qui décident. Les parents redeviennent des clients. C'est la même affaire pour les hôpitaux. Les hôpitaux, aujourd'hui, à l'Hôtel Dieu à Lévis, par exemple, là, ils reçoivent un chèque au début de l'année. Que l'attente soit de 1 heure ou 25 heures, que la bouffe soit mangeable ou bonne, que l'hôpital soit propre ou sale, ils ont toujours le même budget. Nous, on dit... financer les hôpitaux selon le nombre de clients qui passent par la porte. Dans les enjeux locaux, le temps file, Adrien, mais dans les enjeux locaux, y a-tu quelque chose qui t'intéresse? Parce que le transport, entre autres, on revient souvent à ça. Ouais. Le troisième lien, Lévis-Québec, t'en penses quoi de ça? Écoute, d'abord, moi, je suis probablement le seul qui a lu l'étude de Texul de 1999 sur le troisième lien. Okay. C'est une brique de 150 pages. Et je suis étonné de voir que là, tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est une étude qui date de 15 ans. Le PQ a été au pouvoir depuis ce temps-là pendant à peu près 4-5 ans. Ils ont rien fait. Le Parti libéral a rien fait pendant 10 ans. Nous, ce qu'on dit, c'est au moins faisons une étude. Là, Mme Jones, du libéral, a dit « Ah, oh, ça coûte trop cher, il faut qu'on attende que les budgets soient balancés. » Ouais, elle aimait les rares. Non, mais là, tu sais, je veux dire, mais non, mais écoute, M. Couillard... Elle aimait les rares. Elle vient de commander un... Couillard vient de commander une étude de 20 millions pour voir si on aurait à faire un chemin de fer à Schefferville, 300 kilomètres d'équipe. Mais donc, t'es pour l'étude, donc tu penses qu'un jour, ça pourrait être réaliste, un tunnel qui passe entre Beaumont et Beauport. Selon l'étude de Texul de 99, oui, ça a du bon sens, il faut la remettre à jour. Il y a des nouvelles technologies maintenant, des nouveaux matériaux, ça va coûter combien? Mais le fait que le maire Labeaume dise tout de suite en partant, non, il n'y en a pas question, ça va coûter 5 milliards, ben l'instant, là, non, je suis pas d'accord avec ça. Mais, par contre, je veux que ça se fasse en PPP. Ouais. Il faut que ça se fasse en PPP, c'est pas les contribuables. Comme le pont de la 25. Comme le pont de la 25, Montréal. Comme l'autoroute 30 à Montréal, ça marche super bien. Ça a été construit avant les échéanciers, à l'intérieur des budgets, même en bas des budgets. Il faut que ça se fasse en PPP. Alors pour moi, c'est le plus gros dossier là de Lévis. Il y en a d'autres, mais ça, c'est un dossier important. Mais évidemment, les gens de Lévis, ils sont pas différents du reste du Québec. Là, t'sais, ils trouvent que... Tu sais, dans une famille de deux personnes, il y en a un des deux qui travaille à l'année longue, rien que pour payer les impôts puis la taxe de la famille. Ben, on l'a dit tantôt, on a ouvert le journal ce matin pis on dit, les gens de Québec sont cheap. Ils sont pas cheap. Ils donnent la moitié de leur paye à des bonnes causes, là, via le gouvernement, là, avant de se faire quêter dans le jeu. Adrien, moi, quand tu t'es présenté, je me suis dit, son objectif, ça devrait être d'essayer peut-être de finir en avant du PQ dans cette élection-là à Lévis. Es-tu réaliste ou je rêve en couleur? Écoute, nous, ce qu'on veut, c'est du progrès. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours dit, là, pour moi, c'est pas un sprint, cette affaire-là, c'est un marathon. Mm-hmm. Je veux progresser, je veux que les gens apprennent à nous connaître. T'sais, on n'est pas des méchants, on mange pas des enfants pour le petit déjeuner. Ce qu'on veut, en fait, c'est on veut vraiment améliorer la qualité de vie des gens. Mais au lieu de déshabiller Pierre pour habiller Paul, on pense que les deux doivent être bien vêtus. Et c'est par l'économie, par le développement de l'économie qu'on fait ça. Hey, t'as des autocollants? Ça ressemble à nos autocollants. J'étais curieux de payer un peu, mais c'est écrit assez. Hashtag assez. C'est quoi hashtag ça? Hashtag assez. Ouais. Assez. Parce que les gens, c'est ça qu'ils me disent. Hey, ça a pas de bon sens, les éoliennes. Ça a pas de bon sens, les régimes municipaux. Juste que je t'en donne un, Jérôme, une affaire qui a pas de bon sens. Oui, vas-y. Le régime de retraite des députés. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, là, je te dis, si je suis élu, là, je renonce. Je m'engage à renoncer à ce régime de retraite chromé là, ça a pas de bon sens. Surtout que ces gens-là nous demandent de donner l'exemple, on demande à tout le monde de faut qu'ils fassent leur part. Ben oui, c'est la moindre des choses. Alors, donc on a mis sur notre site web particonservateurquebec.org un autocollant assez que vous pouvez commander et mettre où vous voulez, évidemment sur votre voiture, dans votre fenêtre de maison, pour simplement que la classe moyenne là qui est trop occupée à travailler puisse manifester son cynisme, son dégoût, son écœurement. T'sais, il va y avoir encore une manifestation là en fin de semaine prochaine, là, encore 50 000 personnes. Là, c'est tous des gens... Bon, je ne veux pas dire que c'est tous des gens qui ne travaillent pas, mais en tout cas... Il y en a qui ont juste ça à faire. Puis là, pendant ce temps-là, nous autres, on regarde ça à la TV, on vient du travail, les enfants, les devoirs, le souper, puis on regarde ça à la TV, puis on dit, ça apprécie, ça n'a pas de bon sens, ces gens-là qui manifestent pour garder leurs privilèges, garder leurs bonbons. Et moi, je pense que les gens devraient, en tout cas, venez en grand nombre, venez nous dire ce dont vous en avez assez sur le site web. Venez nous dire, avez-vous assez de, je sais pas moi, d'Hydro-Québec, les hausses de 7%, ça vous écœure. Dites-nous ce dont vous en avez assez. Et moi, je m'engage à porter ce message-là à l'Assemblée nationale. Je vais imprimer ça, puis je vais apporter ça au président de l'Assemblée nationale pour lui dire, voici ce que les gens en pensent, ils en ont assez. Moi, j'en ai un ce matin, c'est assez de défaites des Bruins contre le Canadien, mais je pense qu'on n'ira pas loin avec ça. Adrien Pouliot, merci. Salut. Hey, merci beaucoup. Il est 9h12 à Radio X dans le